e dizer que sentir é melhor. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous, bienvenue, il est 19h30, c'est la Radar du Sport, les émissions de l'été, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Radar sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, je rappelle, et évidemment aussi sur le site radio-arc-en-ciel.com, où vous pourrez retrouver, bien entendu, les émissions donc en direct, et puis évidemment toute l'actualité aussi de Radio Arc-en-Ciel. Toutes les fréquences, toutes les émissions, tous les animateurs, eh bien vous pouvez retrouver tout ça sur bien entendu le site radio-arc-en-ciel.com. Donc bienvenue donc pour ce nouveau numéro des émissions de l'été, 19h30, 20h30, je rappelle. Hein, nous allons être ensemble encore sur ces émissions de l'été lundi prochain, le 29. Hein. Ça y est, donc 29 août, où ce sera la dernière émission de l'été, donc dans cet horaire, 19h30, 20h30. Et puis on reprendra à partir donc du 5 septembre l'émission classique, hein, donc de 20h30 à 21h30, puisque Manu sera de retour bien sûr avec On The Rocks, donc à partir de ce 5 septembre. Et ce sera d'ailleurs pour Manu et On The Rocks les 30 ans de son émission, et il aura l'occasion de vous reparler un petit peu de ces 30 ans, puisqu'il y aura des surprises tout au long du mois de septembre. Donc bah, je laisserai bien sûr Manu en parler à son retour, donc dans deux semaines, le 5 septembre, donc semaine prochaine encore. Les émissions de l'été avec un créneau de 19h30 à 20h30, et puis à partir du 5, donc on reprendra l'horaire de 20h30 jusqu'à 22h30. Du coup, on reprendra aussi les émissions de 2h, hein, puisqu'il y aura évidemment un programme plus chargé. Même si c'est vrai que cette semaine et probablement la semaine prochaine, il y aura quand même pas mal de choses à dire. On aura peut-être un peu plus d'une heure sur ces deux dernières émissions de l'été. Mais bien sûr, à partir de septembre, bien sûr, repartir sur des créneaux de 2h. En tout cas, bienvenue à vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre, bien sûr, sur le Facebook, la Red Arc du Sport, bien sûr, pour commenter toute cette actualité sportive ce soir, pour proposer aussi vos titres, puisque c'est vous qui aussi choisissez la programmation musique ce soir, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à proposer ce que vous avez envie d'écouter. Puis sinon, vous pouvez aussi nous appeler au standard 02 38 434 800, 02 38 434 800, et bien tout simplement aussi pour réagir en direct sur toute cette actualité, ou peut-être pour même proposer un sujet, hein, dont on aurait pas parlé. Bah, n'hésitez pas, c'est au standard. Le programme de la soirée, bien sûr, du foot au programme, avec la Ligue 1 évidemment, et tout va bien pour le PSG. C'est imposé hier 7-1 face à Lille. On reviendra bien sûr sur les performances, notamment de Kylian Mbappé qui a marqué un triplé, sur celui de Neymar aussi qui a marqué un doublé, puis Messi également qui a scoré sur cette rencontre. Bien sûr, les autres résultats de cette journée, la victoire pour Marseille, compliqué mais victoire. Victoire pour Lyon aussi, plus large en début de week-end face à 3-4-1. La défaite de Monaco à domicile face à Lens. Et puis bien sûr les autres résultats, victoire de Rennes notamment, Nice qui a encore chuté, on en parle tout à l'heure bien sûr. La Ligue 2 aussi avec le point sur cette nouvelle journée. Le National, on parlera de l'USO qui a enchaîné un deuxième match nul pour démarrer cette saison. C'est le premier match à domicile, on en reparlera. Et puis le début aussi un peu partout en Europe des championnats. Alors c'était déjà le cas en Angleterre, oui, et en Allemagne. Mais c'est parti aussi en Italie et en Espagne. Donc on fera un point sur ces journées donc en Espagne. Et puis en Italie, on a déjà joué les deuxièmes journées. On en reparle aussi, bien sûr, tout à l'heure. Donc pas mal de choses côté foot, hein, ce soir encore une fois, un beau programme encore pour finir l'émission tout à l'heure. Et puis cette semaine, eh bien des rendez-vous importants. Alors bien sûr la fin des barrages pour les différentes coupes d'Europe, hein, Ligue des Champions. Ça ne concerne plus malheureusement les clubs français et Monaco, mais aussi les barrages en Europa Conférence qui concernent bien sûr Nice. Et vendredi, bien sûr, les tirages au sort des différentes coupes. Ça, on a hâte d'y aller aussi avec des clubs français qui vont bien sûr être très assidu devant ce tirage pour voir un petit peu ce que va réserver ce tirage au sort pour tous ces clubs. Ce sera donc vendredi, on en reparlera aussi tout à l'heure, évidemment. Voilà donc pour le foot, donc pas mal de choses, comme je vous le disais. On aura du tennis aussi à quelques jours du début de l'US Open. Eh bien, nous étions du côté de Cincinnati pour les deux tournois hommes et femmes, avec la victoire pour la Française Caroline Garcia qui a remporté ce tournoi de Cincinnati, qui a réalisé une très belle semaine. Et même chose chez les hommes avec Borna Koric, le Croate, qui lui aussi s'est imposé avec un très très beau parcours et qui s'est imposé donc sur ce tournoi en s'imposant face à Stefanos Tsitsipas. On aura l'occasion d'en reparler plus longuement tout à l'heure. Puis les actualités, quelque chose du US Open, le forfait de Zverev qui est officiel depuis aujourd'hui, celui de Novak Djokovic qu'on attend toujours, peut-être, et en tout cas ce sera lundi le début, et pour le moment il est encore interdit de séjour à New York, donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y a un point aussi sur les classements, donc ça pour le tennis tout à l'heure. Du rugby, alors quelques infos, là pour l'instant il se passe encore pas grand chose puisque la reprise va arriver, mais pour l'instant c'est encore la pause, donc on aura quelques infos tout à l'heure. Du basket, à quelques jours du début de l'Euro, donc pour les hommes, et bien c'était la fin des matchs de préparation pour l'équipe de France, avec un match qui a été joué ce week-end, on en reparle aussi. Et puis quelques jours, un peu plus, quelques semaines du début de la Coupe du Monde chez les femmes, et bien elles aussi avaient un match amical à jouer, donc on fera un point sur tout ça tout à l'heure, bien sûr, page basket. Formule 1, c'est toujours la pause, on le rappelle, la trêve. En revanche, cours en MotoGP et en rallye, c'est ce week-end. Deuxième place pour Quartararo, qui reste leader du général. On aura aussi l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Un mot de handball aussi, avec la reprise qui arrive, avec quelques informations à donner. Pas beaucoup depuis il y a 15 jours, mais on aura quand même deux, trois petites choses à dire. Et puis, bien sûr, les championnats européens du week-end. Alors, il y avait un peu de tout. Il y avait surtout de l'athlétisme, dont on va parler juste après, avec de belles performances. Et puis aussi d'autres disciplines où les médailles étaient au rendez-vous, hein, puisque on en parlera, mais pas mal de sport avaient décidé de joindre leur championnat d'Europe, comme c'était déjà le cas en 2018, pour faire un week-end, une grosse semaine même de compétition. Et voilà, on aura l'occasion de reparler de ces championnats dans un instant, donc après une première pause. Mais en tout cas, voilà, pas mal de choses à dire aussi côté athlétisme. On marque une première pause donc, et on revient. Il y aura les directs aussi tout à l'heure. Je regarde donc deux matchs que l'on suivra, enfin en tout cas les deuxièmes mi-temps de deux rencontres. En Italie, c'est un match de la deuxième journée dite Serie A, entre la Roma, 9e pour l'instant, et le club promu de Cremonese, 0-0 à la pause. Et puis un petit peu plus tard, mais on sera plus là, ce sera la Juve, Juventus de Turin, qui se déplacera sur la pelouse de Gênes. Pour sa rencontre, ce sera 20h45. Ce sera sur Bein Sport 2, cette rencontre. Et pour la Roma, ce sera également sur Bein Sport 2, toujours en direct à la deuxième mi-temps qui arrive. Et puis en national, c'est aussi le dernier match de la deuxième journée. Le Mans mène désormais 4-0 face à Sedan, et c'est à suivre sur Canal Plus Sport. Le Mans qui en plus joue en super unité numérique depuis quelques secondes, et qui d'ailleurs a marqué sur cette expulsion un penalty, donc qui a fait 4-0 pour Le Mans, qui après sa première défaite, eh bien se remet à l'endroit sur cette deuxième journée. Et puis je regarde du tennis, oui, on aura une Française, c'est Alizé Cornet, qui est en direct, joue donc du côté de Cleveland. C'est pour le moment la deuxième manche, la Française qui a remporté la première manche 6-2, et elle a breaké dans la seconde puisqu'elle mène désormais 4-1. Voilà, c'est la seule d'ailleurs Française en direct, et puis il n'y a pas d'autres matchs, donc on va suivre. On suivra ce deuxième set, et peut-être, on l'espère, que ça s'arrêtera là pour la Française. Voilà, direct, et puis bien sûr, le son, vous faites la programmation, on démarre tout de suite une première pause et on revient juste après pour bien démarrer notre programme. Plein de choses à dire, on va certainement dépasser un petit peu l'heure habituelle, mais c'est vrai que le programme s'étoffe de semaine en semaine et puis on a hâte de retrouver les émissions ensuite classiques de 2 heures, mais en tout cas cette fois ce sera un petit peu plus d'1 heure. Et on démarre tout de suite avec Kavinsky. C'est Night Call, remix Night Call qu'on écoute tout de suite et on revient juste après pour attaquer ce programme avec les championnats d'Europe. Donc 19h40 sur Arc-en-Ciel, c'est la radar du sport. À tout de suite. Ce remix de Night Call à l'instant pour cette première pause et de retour tout de suite pour cette première partie avec donc pour démarrer un retour, un bilan sur les championnats d'Europe, les championnats européens, même les championnats sportifs européens qui consistaient en fait c'était la deuxième édition de ces championnats sportifs européens qui consistaient à l'organisation conjointe des pas mal de championnats d'Europe, donc l'athlétisme bien sûr, mais aussi l'aviron, le beach volley, le BMX, le canoë, tout ce qui est cyclisme donc sur piste et sur route, l'escalade, la gymnastique artistique, le tennis de table, triathlon et enfin VTT. Voilà, donc ils donc on se sont joints pour organiser tous ces championnats sur le même site, donc à Munich. Et puis contrairement à 2018 où la natation et notamment aussi le plongeon et puis l'eau libre pardon qui faisait partie de l'événement n'était pas cette fois conjoint pour ces championnats européens mais qui faisait partie eux d'un autre site à Rome où se déroulaient tous ces championnats-là d'Europe. Et puis enfin, le golf, qui était dans 2018, n'est pas revenu cette année. Le bilan rapide donc de ces championnats sportifs ont tout cumulé. La France qui termine quatrième sur le tableau des médailles, quand même, avec 50 médailles, 11 titres, donc à mettre en avant. L'Italie termine troisième avec 51 médailles. Et puis, c'est l'Allemagne, à domicile, qui s'est imposée donc avec 60 médailles, 26 titres, deux de plus que la Grande-Bretagne qui termine aussi avec 60 médailles, mais le nombre de médailles d'or a fait la différence. Donc à domicile, l'Allemagne s'impose. Dans le détail, eh bien, assez rapidement, on ne va pas parler de chaque championnat, mais les principaux, donc avec la natation qui avait lieu un tout petit peu avant, donc la natation qui, on rappelle, faisait partie d'un autre site et faisait son propre championnat d'Europe. Eh bien, la partie natation qui a ramené quand même pas mal de médailles à la délégation française. À noter donc pas moins de 21 médailles, 3 titres seulement. 21 médailles, donc les principales médailles, donc avec notamment Damien Joly qui a pris le bronze, lui, sur le 1500 mètres. Maxime Grousset, qu'on attendait, qui a fait l'argent quand même sur le 50 mètres papillon. On avait notamment aussi des relais qui ont fait des médailles, le relais 4x200 et 4x100 4 nages, compris respectivement le bronze et l'argent. Et puis donc des titres pour Analia Pigré sur le 50 mètres d'eau. Notamment Marie Vatel qui a pris deux médailles d'argent sur le 50 et le 100 mètres papillon, donc qui a ramené aussi sa part de médaille. Le 4x100 4 nages qui a pris l'argent. Et puis en mixte, un titre, celui du 4x100 nage libre, le titre pour les Français et Françaises. Et puis une médaille d'argent sur le 4x200 nage libre, donc pas mal de médailles pour cette délégation française. Et puis aussi deux médailles de bronze sur la natation artistique, notamment trois médailles de bronze, et puis une enfin les hommes, qui a pris aussi une médaille de bronze sur la natation synchronisée. Malheureusement, pas de médaille sur les plongeons. Les Français sont pas, en tout cas, à leur avantage. Et puis des médailles sur l'eau libre qui avait lieu ce week-end, notamment Marc-Antoine Olivier qui a pris le bronze sur le 5, et puis le 10, il a pris l'argent sur le 10, et puis Logan Fontaine qui a pris aussi le bronze sur ce 10 km. Donc deux médailles pour les Français, et puis qui ont raflé le bronze aussi sur le 5 km par équipe. Mixte, c'était hier aussi, donc un total de 21 médailles pour les Français qui se classent 8e. Hein, au général, c'est l'Italie qui s'impose donc à domicile à Rome avec 24 titres et 67 médailles, hein, qui était vraiment, vraiment au-dessus de tout le monde sur ces championnats d'Europe de natation. Et puis l'athlétisme qui a bien marché par rapport aux mondiaux, hein, aux derniers mondiaux, la France n'avait pas malheureusement fait de sensation sur ces championnats d'Europe, hein, de monde, pardon, qui avaient lieu un peu plus tôt, hein, c'était à Eugene mi-juillet. Voilà, et puis à hasard des calendriers, ben, le championnat d'Europe qui s'enchaînait, hein, les Français qui avaient franchement pas été bons, hein, il faut le reconnaître sur ces championnats du monde 2022. Hein, puisque la France n'a simplement pas réalisé la moindre médaille de bronze ni d'argent, mais un seul titre pour Kevin Mayer. Donc voilà, c'était vraiment des exceptions. Kevin Mayer, lui, qui a démarré le décathlon de ses championnats d'Europe, malheureusement qui n'a pas été au bout, il a été dès la première épreuve blessé, donc il a préféré faire un pas sur la suite. Et c'est vrai qu'après des mondiaux qui étaient 15 jours avant, c'était plutôt logique. Donc dans le détail, eh bien l'athlétisme qui a rapporté tout de même 9 médailles, 4 en argent, 5 en bronze. Malheureusement, il n'y a pas eu de titre. On les a attendus, les titres, il n'y en a pas eu. Hein. Malheureusement, il y a eu pas mal d'argent, mais pas de bronze. À noter qu'on attendait peut-être Renaud Lavillenie et Thibaut Collet qui étaient en finale de la perche, mais qui n'ont pas malheureusement passé de la barre des 5,75, qui a suffi d'ailleurs pour prendre le bronze. Le Norvégien Lille Foss qui lui a pris le bronze avec ses parts à 5,75. On a l'Allemand à domicile Quant à Lita Bahir qui a pris l'argent avec 5,85, et puis surtout Armand Duplantis qu'on attendait, qui avait pris l'or il y a quelques semaines lors des mondiaux, qui a récidivé cette fois en prenant une barre 6,06, record du championnat. Voilà pourquoi il voulait passer cette barre, pour battre son propre record des championnats qu'il avait réalisé il y a 4 ans, en 2018. Et donc Armand Duplantis qui s'est arrêté ensuite là, puisque les conditions n'étaient pas très favorables pour aller tenter des barres, en tout cas le record du monde, son propre record du monde à 6,21. Il a préféré s'arrêter. Les conditions n'étaient pas faciles sur cette journée de samedi, avec pas mal de pluie, même si ça s'est arrêté lors de cette épreuve de sol à perche, mais c'est vrai que c'était pas les conditions idéales, donc il a préféré s'arrêter là, le suédois, et malgré tout un nouveau titre de champion d'Europe. Pour lui, donc champion du monde, champion d'Europe, puis champion olympique. Il a tous les titres pour l'instant, le suédois, et puis il a le record du monde. Voilà, il est vraiment en grosse forme, et encore une barre à plus de 6 mètres passés. C'est vraiment du grand par le suédois pour l'instant. Ça s'est terminé pas mal hier aussi avec la troisième place pour le relais 4x400 qui a pris le bronze. Donc hier, derrière la Belgique et le Royaume-Uni. Donc ça c'était aussi attendu, les relais qui avaient lieu hier, et puis puis l'argent qui a été pris aussi par le relais 4x100 garçon qui a pris l'argent, donc derrière la Grande-Bretagne qui était intouchable aussi voilà, donc c'était assez logique, donc pas de médaille d'or, des médailles de bronze et d'argent, pas mal mais pas plus. L'argent pour le 400 mètres est chez les garçons Wilfried Apiou qui a pris l'argent. Chez les garçons, sur le 110 mètres, deux médailles. Pascal Mittelegaard et Just Kouaou qui ont pris l'argent et le bronze. Malheureusement, Martin Lagarde battu au millième, qui a fait le même temps que l'Espagnol Asier Martinez, qui a pris lui l'or en 13-14. Mais c'est le millième qui a différencié. Ça s'est joué à vraiment à peu de choses. Ce petit jeu-là, c'est l'Espagnol qui s'est imposé. Pour vraiment pas grand chose. Voilà, donc en tout cas, pas de titre non plus sur ces 110 mètres qu'on attendait. Renelle Lamotte qui a pris l'argent sur le 800 mètres féminin, donc on l'attendait aussi, elle a peut-être même sur le titre, mais elle a tout de même fait quand même une belle performance, puisqu'elle a pris l'argent, et c'est déjà une très très belle performance qu'on attendait, et je regarde un petit peu, on a déjà fait le tour parce qu'il y avait 9 médailles, ça va assez vite. Si Jean-Marc Ponviane qui a pris la bronze sur le triple saut, Jules Pommery lui qui a pris le bronze aussi sur le saut en longueur, voilà, on l'attendait aussi, et je crois qu'après ces médailles là on a déjà fait le tour. Ouais, c'est ça, sur ces médailles donc de championnat d'Europe, donc la France seulement 22e du tableau des médailles, évidemment avec 100 titres c'est compliqué, 9 médailles au total. L'Allemagne à domicile s'impose donc avec 7 médailles d'or et 16 médailles au total. Le Royaume-Uni fait mieux avec 20 médailles mais seulement 6 titres, donc c'est surtout les titres qui prédominent dans ce tableau des médailles. Et la seule globale des championnats européens, je disais, l'Allemagne qui s'impose devant la Grande-Bretagne. Là aussi c'est très serré, puisqu'il y a seulement 2 titres de plus pour l'Allemagne qui donc a été à domicile à Munich et donc le grand vainqueur de ces championnats européens. Donc deuxième édition, voilà, qui aura peut-être lieu encore, peut-être dans 4 ans, en tout cas c'était 2018, 2022, peut-être 2026, on le verra. En tout cas il y avait 49 nations participent à cette édition, et voilà, qui a permis de voir pas mal de sports tout au long de ces 10 jours, voilà, quasiment 2 semaines, une grosse dizaine de jours, donc c'est clôturé hier, voilà en tout cas pour le bilan de ces championnats européens. On poursuit, je regarde les directs voir si ça a bougé. Donc à Roma face à Cremonese 0-0 à l'heure de jeu toujours, et en national Le Mans mène sur 4-0 face à Sedan. Il reste un petit peu moins longtemps, ça a démarré un peu plus tôt. Il reste un peu plus de 20 minutes. Et puis Alizé Cornet qui a terminé. Ça y est, elle s'est imposée 6-2-6-1 finalement face à l'Ukrainienne Yastremska, et ça passe pour elle qui va arriver donc au deuxième tour de ce tournoi de Kiel. On en aura l'occasion d'en parler de ces tournois de tennis tout à l'heure, lors de la page tennis. Un petit mot aussi, j'en ai pas parlé lors du sommaire tout à l'heure. Un petit mot de volley, puisque on le disait, il y a les championnats d'Europe de basket qui vont arriver, mais aussi les championnats du monde de volley qui arrivent très vite, ces championnats du monde de volley. Les Bleus, on rappelle qu'ils restent l'an dernier sur un titre olympique, et il y a quelques semaines aussi sur un titre lors de la Ligue des Nations. Et bien cette fois, ils se préparent au championnat du monde, le seul titre qui leur manque, hein, puisqu'il y a les championnats d'Europe il y a quelques années. Le championnat olympique c'est fait, maintenant il manque les championnats du monde, et il faudra pour ça s'imposer sur cette édition déjà, on espère. Les Bleus qui jouaient un match de préparation, qui était le seul d'ailleurs du match de préparation pour ces championnats du monde, qui a dominé le Brésil hier en match amical 3-0. Samedi, pas hier, à Montpellier. Assez facilement, 3-0, 25-17, 25-17 à nouveau et 25-22, donc à domicile dans une salle en feu. Et il y a eu même eu un quatrième set qui a été joué pour le fun, hein, pour le plaisir, puisque les deux nations étaient d'accord. Et finalement, il y a encore une victoire sur ce set 25-19. Voilà, pour le plaisir. Et en tout cas, voilà, une grosse équipe de France qui est bien présente et bien en place face aux Brésiliens, quand même, qui n'est pas n'importe quelle nation volée. Hein. 11 des 12 champions olympiques étaient présents et ils seront présents au mondial. Un seul absent qui manquait au rendez-vous. C'est Daryl Bultor, blessé, et qui est donc déjà un forfait pour le championnat du monde. Mais sinon, on part sur les mêmes bases. Ils s'envoleront dans quelques jours pour la Slovénie, qui est le pays co-organisateur du mondial avec la Pologne. Voilà, en tout cas, ce sera en Slovénie pour les Français, leur phase de poule. Il y a moins d'un mois, ils s'étaient imposés en Ligue des Nations. Bon, on espère que ils vont récidiver. En tout cas, ça va démarrer assez vite, puisque on rappelle les Bleus qui sont au sein de ce groupe D dans ce championnat du monde, aux côtés de l'Allemagne, de la Slovénie et donc le pays ordinateur et le Cameroun. Voilà, normalement à la portée des Bleus. On rappelle 6 poules, et les deux premiers ainsi que les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Donc voilà, ça sera à moins d'une catastrophe, les Bleus devraient passer, on espère même en terminant en tête. Ça démarre donc pour les Bleus cette semaine, vendredi, un match face à l'Allemagne, donc pour l'ouverture, qui sera probablement l'une des nations favorites avec la France dans cette poule. Donc à 17h30, c'est donc vendredi, il y aura dans l'autre match Slovénie-Cameroun du coup. Dimanche, deuxième rencontre face à la Slovénie, pays organisateur, donc co-organisateur, donc dimanche à 20h30. Et puis enfin mardi prochain, le dernier match face au Cameroun, qui devrait être une formalité normalement, face au Cameroun à 17h30 également. Et puis voilà, en cas de qualification, eh bien début des huitièmes à partir du 3 septembre, donc à partir de samedi prochain. Voilà, les Bleus qui vont être au repos un petit peu avant ce début de ces huitièmes de finale, on l'espère. Déjà pour eux, et pourquoi pas faire le plein déjà pour plein de confiance avant donc ces rencontres. Donc ça, c'est les championnats du monde qui arrivent. Et puis un petit peu avant le match de préparation des garçons face au Brésil, les filles jouent également. Les volleyeuses françaises qui jouent également match amical, qui étaient battues par la Turquie 3-7-1. C'était un petit peu avant les garçons. Voilà, en tout cas, les Bleus qui, on rappelle, avaient manqué l'accession en Ligue des Nations qui avaient remporté la Ligue Européenne un petit peu plus tôt dans le mois de juin. Eh bien, on faisait une rentrée donc samedi à Montpellier dans cette match de préparation, match amical, face quand même au dernier quart de finaliste des Jeux Olympiques, et qui avait fait demi-finale aussi de la Ligue des Nations, donc plutôt une belle nation. Et les Turcs qui préparent le championnat du monde qui aura lieu en septembre, les Françaises ne sont malheureusement pas qualifiées, et donc 4-7 malheureusement pour les Françaises qui ont été battues. Et les Bleus qui auront un programme quand même au mois de septembre, malgré la non-participation au Mondial. D'abord, du 7 au 7 septembre, 3 matchs face à l'Italie. Donc un Belge champion d'Europe en titre. Ensuite donc trois matchs. Hein, ensuite du 9 au 18 septembre, le tournoi de France que sera organisé dans l'Est de la France avec l'Argentine, la Belgique, le Canada, la Colombie ou encore le Japon. Donc malgré tout, les Français ne sont pas mondiales, joueront quand même pas mal tout au long du mois de septembre. Voilà, donc en tout cas, les Français arrivent donc cette semaine pour le début du mondial. On espère que ils vont mettre enfin au palmarès ce seul titre qui leur manque, le mondial. Voilà, on referme cette page, donc cette page volée. On va parler complètement d'autre chose avec la MotoGP. Pas du monde de MotoGP avec hier le Grand Prix donc d'Autriche qui se déroulait. Le Grand Prix d'Autriche, on rappelle la dernière étape, c'était il y a 3 semaines déjà, où c'était la Grande-Bretagne, où ça s'était mal passé pour les Français. Et ça s'est bien mieux passé cette fois-ci, notamment pour Fabio Quartararo, deuxième derrière Francesco Bagnaia. Troisième place pour Jack Miller, Juan Zarco cinquième, donc ça va beaucoup mieux. Au classement général, eh bien c'est un grand résultat pour Quartararo qui, puisque Espargaro, donc son principal adversaire au général, a fini sixième, donc c'était vraiment une belle opération. 200 points tout rond pour le Français. Espargaro est toujours deuxième, 168 points. Bagnaia est troisième, 156 points. Et puis un petit peu plus loin, Zarco quatrième, 125 points. Pour la suite du championnat du monde. Eh bien, Saint-Marin, Grand Prix de Saint-Marin dans 15 jours, le 4 septembre, il restera avec ce Grand Prix de Saint-Marin encore 7 Grands Prix. Donc rien n'est joué, mais pour l'instant, ça se passe assez bien pour le Français qui est pour le moment bien installé en tête de ce championnat du monde. Dans les championnats du monde des rallyes, c'est Ott Tänak qui a fait le doublé après la Finlande la semaine passée. Qui s'est imposé en Belgique hier, donc il s'est imposé Grand Prix d'Ypres Belgique pour être précis, au volant de sa Hyundai qui s'impose devant Elfyn Evans britannique, et puis troisième place pour Lappi le finlandais. C'est pour l'instant au général toujours le finlandais Rovan Perä qui est en tête assez largement d'ailleurs, 203 points pour lui, et deuxième place c'est Ott Tänak avec 131 points. On devrait retrouver nos Français normalement, si tout va bien, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier pour quelques piges dans la fin de saison, puisqu'il reste 4 rallyes dans 3 semaines Grèce, ensuite il y aura la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et le Japon. Donc on devrait retrouver sur quelques étapes nos Français qui, on rappelle, font une partie de saison en pige. Et puis la Formule 1 qui, on rappelle, est toujours sur la trêve, reprise eh bien dimanche, hein, ça y est, c'est la reprise après un mois de trêve. Dimanche, le fameux Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps. Voilà, donc évidemment toujours apprécié dimanche donc. Et puis ensuite, il y aura encore pas mal de Grand Prix hein, jusque fin novembre. Il y aura les Pays-Bas ensuite, toujours en septembre, l'Italie. La Russie qui était annulée, et puis ensuite on ira du côté de l'Asie pour une partie de fin de saison. Voilà, donc la Formule 1 reprise dans dimanche, ça y est, c'est la grosse reprise pour la Formule 1. On va marquer une pause et puis on reviendra ensuite pour d'autres infos. Le handball, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, ça va être assez rapide. On va même en parler maintenant, ce qui est vraiment... pas grand chose à dire. Il y a juste une info concernant Nedim Remili, le Français qui est touché à un genou derrière droit. On rappelle qu'il désormais joue avec le club de Kiel, c'est l'équipe au Paris Saint-Germain, et l'arrière droit de l'équipe de France, bien sûr, touché à un genou. Il peut s'entraîner, mais ne jouera pas les prochains matchs de préparation avec son club, malheureusement. Donc il pourrait manquer un début de championnat, et puis peut-être aussi un début de la Ligue des Champions. Pour l'équipe de France, pas d'inquiétude, puisqu'il n'y a pas de rencontre pour le moment. Pour le moment, pas d'autres infos côté handball. Hein, c'est vraiment pour l'instant très calme, on se prépare, on sait qu'on aura, j'espère, avant peut-être au tout début de la saison, Sylvain pour nous parler un petit peu de J1 qui est en préparation, hein, qui joue des matchs de préparation, des matchs amicaux. Peut-être pourquoi pas l'avoir lundi ou le lundi suivant, on verra qu'on puisse avoir un petit peu des nouvelles. Et puis également des nouvelles pour bien sûr bah, Saran et puis également pour Fleury hein, qui malheureusement évolueront maintenant dans les deuxièmes divisions hein, respectives. Voilà, donc on pourra bien sûr en reparler, donc la Pro League pour Saran et puis la deuxième division féminine pour les filles. On aura l'occasion d'en reparler parce que ça ne reprendra pas avant trois semaines maintenant. Ces championnats-là, je revérifie pour être sûr. Oui, alors les filles un petit peu avant, ce sera la semaine prochaine, mais les garçons la semaine suivante. Donc, on va faire le point la semaine prochaine avec Sylvain, pourquoi pas avant le début de ces reprises. Voilà pour le handball. Juste après la pause, basket puisque cela se prépare pour les championnats d'Europe et du monde hein, pour les garçons et les filles. Un petit mot de rugby aussi, ça va être assez bref. Et puis bien sûr tennis et foot. Déjà 20h05, ça va très vite. On marque une pause donc, comme je le disais, et on revient. Et ben après pour une deuxième partie avec pas mal de sujets encore à évoquer. Tout de suite, c'est qu'est-ce qui est proposé? Eh bien, ce titre, bah, c'est parti, c'est Purple Disco Machine. Ça s'appelle In the Dark. On écoute ça tout de suite là dans les quelques secondes qui arrivent. Et on revient juste après pour la deuxième partie. Il est 20h06 déjà. On se retrouve après ça. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. Purple Disco Machine avec In the Dark pour cette deuxième pause. Retour tout de suite avec le basket. Le basket, on approche désormais eh bien, de la Coupe du Monde, enfin du Mondial et aussi de l'Euro pour les garçons, parce qu'il y aura deux compétitions cet été. Hein. D'abord les les garçons et l'Euro. Et puis ensuite, il y aura le mondial pour les femmes. Donc on va commencer avec les garçons qui arrivent très très vite, c'est cet Euro. Qui jouait donc la fin de préparation, un match amico de préparation. Avant de démarrer, on va rappeler aussi bien sûr le programme pour cet Euro, hein, pour les garçons. D'abord l'Allemagne, ce sera donc pas tout de suite, hein, la semaine prochaine, le premier donc jeudi prochain, France-Allemagne. Ensuite il y aura la Lituanie deux jours plus tard, le lendemain le 4 la Hongrie, deux jours encore plus tard la Bosnie, et le lendemain le 7 la Slovénie. Donc on fait le compte, hein, ça va vite, en une semaine pas moins de 5 rencontres, donc c'est beaucoup. Et il va falloir, on le rappelle, finir dans les 4 premiers pour passer, donc normalement largement à la portée des garçons pour passer la marche suivante. Et puis tiens, une bonne nouvelle, c'est le retour d'André Albici, le recours en équipe de France. Il avait, on rappelle, quitté le rassemblement il y a trois semaines pour une blessure à une cuisse, et il a fait son retour ce lundi, donc c'est une excellente nouvelle. Et puis également, par contre, ça c'est pas pour l'instant un retour, c'est celui de Franck Ntilikina, qui lui est carrément forfait, hein, pour l'Euro. Il était blessé, donc Franck Ntilikina qui lui ne sera pas malheureusement de retour pour l'Euro. Mais par contre André Albici, c'est fait, donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'il n'y avait plus de meneur défensif pour l'équipe de France, et cette fois c'est fait. Donc il a fait son retour aujourd'hui, et il a eu son feu vert, le feu vert de son club. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Bleus. Le groupe qui est prêt pour cet Euro, donc qui démarre la semaine prochaine. On espère que il y aura une belle équipe encore, parce qu'il y a quand même de beaux joueurs, donc il n'y a pas de raison au moins passer cette phase de poule, arriver dans le groupe, la phase finale, ça ce serait une bonne nouvelle. Et puis en revanche, William Howard lui quitte le groupe France, l'ailier d'équipe de France a quitté le groupe, hein. Les Bleus ne sont plus que 12 désormais, hein. Voilà, donc et la dernière victoire, on rappelle, c'était jeudi pour les Bleus, dernier match de préparation face à la Belgique, victoire 90-71. Voilà, quatrième victoire en 4 matchs. Voilà, c'est dans son faute pour l'instant. 90-71. Donc tout va bien. Tout va bien pour les Bleus. Hein, donc il y a 2 matchs de qualification aussi pour la Coupe du Monde de l'année prochaine, en 2023, dont un à Bercy, donc mercredi, donc dans 2 jours, face à la République tchèque. Donc il y a deux matchs encore à jouer avant l'Euro, donc c'est aussi des matchs officiels, pas de l'Euro, mais des matchs de qualification. C'est assez particulier, voilà, de jouer des matchs amicaux, puis des matchs de qualification, puis ensuite l'Euro. Voilà, c'est assez particulier, mais il va falloir être concentré sur tous les matchs. Donc voilà, pour l'instant, il y a eu, donc on rappelle, 2 victoires face à l'Italie, 78-77, compliqué, ensuite 100-68. Les Pays-Bas, victoire 89-65. Et puis victoire face à la Belgique, cette fois 90-71. Donc voilà, tout va bien pour les Bleus. Et donc voilà, maintenant 2 matchs, on rappelle, donc de qualification pour le mondial. Il y aura déjà mercredi face à la République tchèque. Ce sera à Bercy. Et ensuite, bien sûr, l'Euro la semaine prochaine. Voilà pour l'actualité. Les hommes, tout va bien pour l'instant, avant le début de cet Euro. Chez les femmes, on prépare aussi une compétition, c'est pas l'Euro, c'est le mondial. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours le mondial pour les femmes et l'Euro pour les hommes, puis inversement les années impaires. Et les filles, elles, qui pour leur préparation sont imposées donc face à la Bosnie-Herzégovine. Et pas de grosse opposition pour les filles, mais victoire, ça c'était l'essentiel pour les filles, 87 à 52. Et pour leur mondial, les filles, ça sera un petit peu plus tard, puisqu'on va attendre la fin de l'Euro. Les garçons, évidemment, on va pas chevaucher de compétition. Ce sera à partir du 22 septembre, dans un mois tout pile. Le programme, l'Australie, le Canada, le Mali, le Japon et la Serbie. Voilà le groupe des Bleus, des filles, pour ce mondial qui aspire à pas mal de choses, évidemment, et qui sont, on rappelle, championnes de troisième médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà, donc ce sera au fin septembre. Voilà pour le basket. Et puis on attend même pas tout de suite le retour ensuite du championnat de France, bien sûr, et puis aussi de la NBA. Ce sera pas tout de suite reprise. Est-ce qu'on a encore la date? Pas tout à fait, mais ce sera fin octobre. Donc encore deux mois. Et puis pour championnat de France de Betclic Elite, la reprise, ce sera fin septembre, dans un mois aussi. Juste au moment du début du mondial féminin, le début de la saison. Je me rappelle Orléans qui redémarrera là aussi, comme au hand pour les Sarans et pour Fleury, en deuxième division, malheureusement, en Pro B cette saison. Et ce sera un petit peu plus tard, le début de la saison, puisque ce sera le 14 octobre. Orléans ira à Chalon-Reims, que Orléans connaît bien, qui avait beaucoup évolué aussi en première division. Voilà donc en tout cas le programme du basket. Je rappelle les directs. Est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a bougé sur les scores des deux pelouses que l'on suit? Je regarde la Roma qui a ouvert le score. Oui, ce but de Smalling face à Cremonese. 1-0, 82e. Ça s'est aggravé aussi pour Le Mans face à Sedan qui mène 6-0 désormais les Manceaux. Il reste 2 minutes. Ça va être encore long pour Sedan. Puis c'est parti en Espagne entre Elche et Almeria. C'est le début de la rencontre, 0-0. Il y aura une belle affiche tout à l'heure, 21h. Ce sera Manchester United qui fait un très mauvais début de saison face à Liverpool qui fait pas non plus un excellent début de saison. Ce sera à 21h sur Canal Plus Sport. Voilà pour les rendez-vous. Et puis il y aura tout à l'heure aussi la Juve en déplacement à Gênes, 20h45. Et peu plus tard, à 22h, Rayron Retafe en Espagne également. Voilà les rendez-vous de tout à l'heure. Un mot de rugby. Le rugby avec 2-3 petites infos aussi concernant d'abord on va commencer avec l'équipe de France qui va affronter les Tonga en match de préparation au mondial. Ce sera donc, on rappelle, le mondial du 15 octobre au 19 novembre l'année prochaine, hein, pas cette année. La France sera opposée le 8 octobre au Tonga. Voilà, donc ce sera le 8 octobre, en Écosse, ce match, en match de préparation mondiale. Troisième opposition entre les deux pays, les Bleus qui avaient gagné à chaque fois, assez largement d'ailleurs. Donc ce sera le 8 octobre, donc 2023, pas 2022. On a encore largement le temps de voir venir, mais en tout cas il y aura ce match de préparation juste avant. Pour préparer tout ça. Et puis on rappelle aussi qu'il y aura très bientôt, ça va arriver assez vite, le mondial aussi pour les filles, hein, l'équipe de France, qu'on aura aussi l'occasion de voir d'ailleurs sur TF1 ce mondial féminin de rugby. Ça ce sera, je vais vous donner les dates tout de suite de ce mondial donc féminin, puisque ce sera donc du 8 octobre au 12 novembre. Voilà, le 8 octobre au 12 novembre, donc ça va arriver pas tout de suite mais dans quelques semaines pour ce mondial donc féminin. On aura l'occasion d'ici là bien sûr d'en reparler. Voilà, il y aura l'occasion de reparler de tout ça d'ici là. Le top 14 qui n'a pas repris, mais il y a quand même des matchs de Abinco qui se jouent, notamment donc Montpellier. Lyon s'est imposé face à Montpellier. C'était ce week-end, ce match de préparation. Lyon qui a battu donc Montpellier. Perpignan qui a battu le Racing. C'est l'inverse. Le Racing, qui a battu Perpignan. Clermont qui a battu Toulon. Et enfin, samedi toujours, Bayonne qui a battu Bordeaux-Bègles. Et puis hier, il y avait des matchs aussi. Stade français qui a battu Massy. de club de deuxième division. Brive aussi qui s'est imposé face à Bristol. Voilà, notamment dans les matchs amicaux de cette donc ce top 14 qui va reprendre un petit peu plus tard aussi. Je vais essayer de vous retrouver ça. La date de reprise aussi de top 14. Ça va arriver aussi hein, assez vite, puisque la reprise, puisqu'on est en préparation, ça y est, le 3 septembre. Donc la semaine prochaine déjà, ça va arriver aussi assez vite. Et puis pour finir le programme de cette page rugby, le Rugby Championship qui se poursuit. On rappelle les confrontations entre les nations de l'hémisphère sud. La Nouvelle-Zélande qui s'est reprise hier après cette défaite la semaine passée en Afrique du Sud, qui s'est imposée donc face à l'Afrique du Sud cette fois-ci à l'extérieur 35-23. L'Argentine qui a battu assez largement d'ailleurs l'Australie, c'est assez surprenant, 48-17. Le score il est quand même lourd, avec 7 essais côté argentin, qui avait perdu le premier match. Donc pour l'instant, en haut, c'est assez serré. Argentine, Australie, 5 points. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, 4 points. C'est vraiment très serré. Les matchs vont reprendre ce week-end. Il n'y avait pas de match hier, et samedi non plus. Donc reprise samedi, donc Australie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, Argentine. Voilà pour cette nouvelle journée. Et concernant les All Blacks, ça a bougé. Alors Ian Foster, le sélectionneur, reste sélectionneur, c'était en pourparler, donc il va bien, il a bien été maintenu à son poste de sélectionneur au moins jusqu'à la Coupe du Monde l'année prochaine, malgré des résultats décevants. En tout cas, une grosse pression quand même pour le sélectionneur. Si ça se passe mal dans cette compétition là cette semaine et la semaine prochaine, ça peut encore bouger hein. Voilà donc en tout cas des nouveaux, Joe Schmitz pardon, qui lui sera entraîneur de la table, il va être épaulé dans sa tâche, le sélectionneur d'El Black qui n'a jamais été autant en danger. Voilà pour être complet sur cette page rugby. Donc semaine prochaine, retour du top 14. On va terminer avec le football. Il est déjà 20h passé de 21 minutes, ça va très vite. Un mot de tennis, pardon, avant, j'allais oublier. Tennis, puisque le Open qui arrive assez vite, hein, dans moins d'une semaine maintenant. C'était les derniers, ça y est, dernière répétition avant ces tournois. En tout cas pour les gros tournois, puisque cette semaine il y aura seulement quelques petits tournois. Cincinnati, c'est donc, on le disait tout à l'heure, Borna Koric qui s'est imposé en battant Stefanos Tsitsipas, la tête de série numéro 4 hein, du tournoi, 7-6-6-2. Il a quand même fait un gros tournoi, le Croate, on le rappelle, puisque il a sorti, je vais vous donner un petit peu son programme, qui a fait quand même un gros tableau. Il a battu Muzzetti pardon, l'Italien, en premier tour, 7-6-6-3. Il a battu Rafa Nadal en deuxième tour, l'Espagnol qui était de retour, mais pas suffisamment remis encore, en trois manches, 7-6-4-6-6-3. Il a battu Bautista Agut, ensuite en quart de finale, huitième pardon, en deux manches, 6-2-6-3, c'est sèche. Ensuite, Ogier Aliassime en quart de finale, mais aussi deux manches, 6-4-6-4. Cameron Norrie, les Britanniques, en deux manches en demi-finale, 6-3-6-4, qui était tête de série numéro 9 donc quand même. Et puis Tsitsipas en finale, voilà, qui a une nouvelle fois perdu en finale, sa troisième finale perdue cette année, même s'il avait sorti Medvedev comme le numéro 1 mondial en trois manches en demi-finale, bien, il a été battu dans cette finale, donc 7-6-6-2. Chez les dames, c'est Caroline Garcia qui s'est imposée, la Française qui était issue des qualifications hein, donc elle a joué pas mal de matchs, victoire 6-2 6-4, belle victoire pour la Française. Elle aussi qui a réalisé une belle semaine, un Sabalenka en demi-finale, il y a eu Mertens aussi autour en huitième. Pegula, la tête numéro 7 au tour d'avant, Sakkari c'est le numéro 4 aussi au deuxième tour. Et puis Martic au premier tour. Donc voilà, grosse semaine pour la Française donc, qui s'impose, qui n'avait pas remporté tournoi majeur comme ça en Masters 1000 depuis pas mal d'années. Donc voilà, bravo en tout cas à elle. Voilà, belle victoire. Et un petit mot des classements. Et puis après, un petit mot aussi de la semaine qui se profile. Un petit mot d'abord du classement. Chez les garçons, peu de mouvement dans le top 10, si ce n'est Stéphane Tsitsipas qui a gagné deux places grâce à sa finale à Cincinnati. Il est désormais cinquième. Il a récupéré les deux places de Casper Ruud qui lui chute à la septième place. Djokovic ne bouge plus, il est toujours sixième. En haut, Medvedev, Zverev, Nadal et Alcaraz n'ont pas bougé non plus. Yassine prend une place 8e, Cameron Norrie récupère 2 places, il intègre le top 10, il est 9e, Urkach 10e, c'est Rublev qui en fait les frais et qui chute à la 11e place, un peu plus bas. Borna Koric qui lui fait un bond énorme avec sa victoire à Cincinnati, 123 places de gagné, il est 29e désormais. Kyrgios 26e, Gaël Monfils perd 3 places 25e. Voilà pour un petit peu les Français. Benjamin Bonzi 50e, Rinderneck 58, Manarino 65, voilà, il y a quelques Français encore, hein. Gaston, Lestienne, Alice, et voilà, ils sont là, autour de la 70e place, nos Français, Richard Gasquet 91, voilà, les premiers Français qui sont ici. Chez les dames, Caroline Garcia qui, aura d'abord dans le top 10 un seul changement, Sabalenka 6e, et puis Alep 7e, c'est le seul mouvement. Ils ont échangé leur place. Et puis Caroline Garcia, je la cherche. Alors, Lizzie Cornet, toujours numéro 1, française, 37e. Et Caroline Garcia, je la cherche, la française. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est 17e, pardon. C'est bien elle, la numéro 1 française, puisqu'elle a pris 18 places. 17e, c'est son meilleur classement depuis. Puis bien longtemps, voilà, donc en tout cas 17e, 4 Françaises seulement hein, dans le top 100, donc Garcia Cornet, Diane Paris 80e et Nassane Dodin 99e, Lajnovic malheureusement qui ne fait plus partie de ce top 100, tout comme Benoît Paire d'ailleurs chez les garçons. Une petite victoire française à nous mettre en avant, c'est celle de Corentin Lestienne qui s'est imposée à Vancouver. Hier, c'est un tournoi de tour dur qui a battu en plus un Français en finale, Arthur Rinderneck. Et puis il y avait également Hugo Humbert qui était en demi-finale. Hein. Donc voilà, 3 Français sur les demi-finales. Et donc en tout cas, c'est bien Lestienne qui s'est imposée. Cette semaine, pas grand-chose. Winston Salem au programme, c'est un 250. Dimitrov sera la tête de série numéro 1. Ensuite, côté français, on aura la présence de Richard Gasquet qui a bénéficié de l'abandon de son adversaire au premier tour dans la troisième manche pour se qualifier pour le deuxième tour face à Muzzetti. Ce sera demain. Hugo Gaston s'est déjà fini, battu par Milman. Manarino jouera demain. On aura Benjamin Bonzi au deuxième tour déjà. Voilà les quelques Français. Et puis dans les têtes de série, je regarde Dominic Thiem qui est invité, qui est présent. Voilà, qui est plus du tout dans le coup, mais il sera en tout cas présent. Ramos, voilà, les quelques. Et puis tiens, un franco-américain, c'est Crécy qui sera dans le tableau. On rappelle lui qui est franco-américain et qui est donc dans le tableau de Winston-Salem. Donc dernière répétition pour. Certains, mais pas pour les grosses têtes de série, avant l'US Open qui démarre donc lundi, Novak Djokovic n'est pas autorisé à participer. On verra si dans cette semaine ça bouge, mais pour l'instant c'est bien parti pour ne pas l'être. Voilà pour le tennis. Cette fois-ci, c'est le foot au programme avec un point sur la reprise des tournois. Cette semaine, je vous rappelle, ce seront les matchs retour pour les différents barrages hein, de Ligue des Champions. Malheureusement, ça ne concerne plus l'AS Monaco qui a été battu malheureusement en prolongation lors du troisième tour préliminaire. Mais en tout cas, il y aura donc ces barrages retour quand même pour les autres clubs qualifiés, hein, donc notamment à Eindhoven, hein, 2-2 face à Rangers lors du premier match. Donc ça, ce sera demain. Jeudi, ce seront les barrages pour les clubs français, surtout Nice qui est concerné. Donc dans le barrage de la Conference League, on rappelle le match aller qui n'a pas permis aux Niçois de s'imposer dans cette rencontre, puisque eh bien, il y a même eu une défaite 1-0 face au Maccabi Tel Aviv. C'était à l'extérieur, rien de rédhibitoire, mais un but de retard. Donc le retour jeudi pour tenter de se qualifier pour la phase de poule. Donc vendredi, tirage au sort des compétitions, hein, vendredi. Soyez bien au rendez-vous pour connaître le sort, notamment de Paris et Marseille en Ligue des Champions, puis tous les autres clubs français aussi dans Ligue Europa et en Europa League, peut-être conférence si Nice parvient à se qualifier. Autrement, bah, c'est reparti partout, ça y est, hein, un petit peu partout en Allemagne notamment. Je vais juste revenir, non, on parlera après du national, mais de l'Allemagne. Donc, avec le carton du Bayern hier, c'était sur la pelouse de Bochum, 7-0, le carton plein. Avec un doublé pour Mané notamment, et après que des buteurs différents, Sané, De Ligt, Coman, Gnabry notamment. Donc 7-0 le carton du Bayern. Victoire du Borussia Mönchengladbach vendredi en ouverture face à Berlin. Défaite avant de Dortmund face à Bremen 3-2 au classement. Pour l'instant, après 3 rencontres, c'est le Bayern qui est en tête avec un sans faute, 9 points. C'est la seule équipe d'ailleurs avoir fait un sans faute. Mönchengladbach deuxième aux côtés de Berlin ou de Mayence pour l'instant. Dortmund est septième avec 6 points, rien derrière. Bon, Leverkusen par contre qui a perdu ses 3 matchs, qui est avant-dernier aux côtés notamment de Bochum qui est aussi la lanterne rouge. L'Italie aussi qui reprenait un petit peu plus tard, qui pour l'instant n'a que 2 rencontres de jouer. La Lazio qui a été tenue en échec au Torino 0-0 samedi. L'Inter en revanche qui s'est imposé 3-0 face à Spezia. Le Napoli aussi 4-0 la victoire face à Monza, club promu cette année. Et puis le Milan AC qui a pas réussi à s'imposer à Bergame 1-1. Et puis donc ce soir, donc la Roma, ça y est, c'est fini, qui s'est imposé finalement sur le score de 1-0. C'est fini à l'instant. Et puis c'est fini aussi pour Le Mans qui a battu Sedan 6-1 finalement. Sedan qui a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Donc 6-1 pour Sedan. Et puis la Roma donc qui vient de s'imposer 1-0 face à Cremonese, là aussi club promu. Et puis dans un quart d'heure, c'est Gênes qui va recevoir la Juve. Pour l'instant, bon, il y a peu d'intérêt, mais Naples et Inter qui ont remporté ces 2 matchs. La Juve pourrait les imiter en cas de succès tout à l'heure. Après l'Italie, place à l'Espagne. Là aussi, qui avait repris en même temps que l'Italie. Donc pour l'instant, seulement 2 rencontres de jouer. C'était donc la deuxième journée. Deuxième journée avec la victoire du Real Madrid 4-1, avec encore Benzema buteur sur penalty en début de rencontre. Et puis même score pour le Barça qui hier a battu la Real Sociedad en 4-1, avec un doublé pour Lewandowski. Ça y est, qui décolle dans ce championnat. La défaite de Madrid, l'Atlético 2-0 face à Villarreal, c'était aussi hier. Voilà, pour l'instant, eh bien, le Villarreal, Real, Betis, Séville, Osasuna, 6 points. Le Barça qui en a laissé 2 pour l'instant en route. Voilà. Et puis en bas, pour l'instant, il y a encore pas mal d'équipes sans victoire. Mais il n'y a eu que 2 matchs de jouer. C'est pour l'instant assez logique. Et puis en Angleterre, là aussi, on avait repris un petit peu plus tôt. On a joué la 3e journée avec la victoire de Tottenham pour lancer la journée face à Wolverhampton. C'était donc samedi. Kane, le buteur, l'unique buteur. Arsenal qui continue sa grosse série 3-0 sur la pelouse de Bournemouth. C'était donc également samedi. On aura noté le retour de Nottingham Forest, pardon, en première ligue cette année, qui avait notamment remporté la Ligue des Champions. C'était remporté 2 d'ailleurs, en 79 et en 80. Voilà, ça fait très longtemps, mais qui avait remporté cette compétition et qui a été aussi champion d'Angleterre l'année suite précédente en 78. Voilà, donc c'est un club qui a marqué l'histoire il y a quelques années, puis aussi pas mal de coupes de la Ligue, coupes d'Angleterre, dont une coupe d'Angleterre en 1898. Voilà, ça remonte un petit peu. En tout cas, le retour de ce club mythique en première ligue. Chelsea, c'est tout l'inverse d'Arsenal, défaite 3-0. Rien ne va plus à Chelsea, avec en plus un carton rouge en fin de match. pour les Blues. Et puis pas de victoire en revanche pour Manchester City, tout en échec à Newcastle, 3 buts partout, alors que City était mené qui était mené 3 hein, et qui ont réussi à inverser quand même la tendance, et finalement avec un but de Haaland aussi qui a permis d'égaliser dans cette rencontre. Et puis tout à l'heure, dans un peu moins d'une demi-heure, c'est Manchester United Liverpool. Pour ces deux clubs, rien ne va, hein. Enfin, surtout United qui a perdu ses deux matchs, Liverpool qui a fait 2 nuls, voilà, c'est pas génial non plus. Donc c'est important déjà cette rencontre pour les deux clubs. Arsenal est leader seul avec 9 points, Leeds, Tottenham, Brighton ou Newcastle sont à 7 points, City 6 points, Chelsea 4 points seulement après ces 3 premières journées. Et un retour en France pour évoquer le championnat de France national. Et l'USO, malheureusement, encore pas de victoire. Un nouveau match nul, cette fois à domicile face à Nancy, 0-0. Voilà, pas grand chose à dire. Il y avait déjà eu un match nul, cette fois un partout au premier match. Donc pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup pour l'USO. Pour l'instant, donc 2 points, ça fait pour l'instant une 13e place. Bon, c'est encore loin. Pour l'instant, 4 points, c'est le maximum pour les clubs du haut de tableau. Voilà, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de double victoire. C'est déjà, voilà, déjà, donc ça permet de ne pas perdre trop de points sur tout le monde. C'est Bourg-en-Bresse et Resta qui pour l'instant dominent ce championnat de national. Donc pas trop de retard pour tout le monde. La troisième journée, vendredi bien sûr, Orléans se déplacera à Bastia Borgo à 19h. Gros déplacement pour tenter enfin de remporter la première victoire cette saison. En Ligue 2 aussi, ça continue évidemment. Ligue 2 avec Saint-Etienne, rien ne va plus pour Saint-Etienne, battu 6-0 à domicile en plus, qui plus est face au Havre, 6-0, et en plus qui a perdu 3 joueurs sur expulsion en peu de temps. Hein. D'abord 2 expulsions avant la pause, Briançon et Cafaro, et puis Green, retour des vestiaires, 6-0 et 3 rouges. Et donc en plus, 3 titulaires qui seront absents au prochain match, ça va faire beaucoup déjà pour Saint-Etienne, qui est toujours en négatif, hein, moins 1 point, on rappelle, après son amende en début de saison, et qui du coup se retrouve déjà avec une grosse difficulté, toujours moins 1 point au classement pour les Évanois, rien ne va plus. Voilà. Et puis donc un autre résultat, Bordeaux notamment, qui jouera tout à l'heure dans 10 minutes face sur la pelouse de Grenoble. Ça c'est pour donc la Ligue 2 sur Beansport 1. Voilà. Et puis donc au général, c'est Caen qui leader, qui s'est imposé face à Guingamp, qui a 2 victoires 1 nul, donc 10 points pour l'instant. Donc 3 victoires 1 nul, pardon. Donc tout va bien pour Caen. Amiens deuxième, 9 points, Dijon 8 points, Metz 7 points, Bordeaux 7 points aussi, qui est pas trop mal pour l'instant. L'inverse de Saint-Etienne, hein, qui vraiment pour l'instant fait un début de saison catastrophique. 2 nuls, 2 défaites et surtout des cartons, notamment avec ce 6-0 et ces 3 expulsions, ça fait évidemment beaucoup. Et enfin en Ligue 1, eh bien c'était la troisième journée. Ça démarrait avec Lyon qui a ouvert le bal face à 3. Victoire convaincante encore une fois pour les Lyonnais, 4-1. Avec des réalisations donc pour notamment pour Lacazette, Tafeglio et puis Tett, donc doublé pour lui. 3-4-1. Et ça fait une belle victoire pour lui qui s'est régalé encore dans cette rencontre. À l'inverse, Monaco qui a perdu 4-1 face à Lens à domicile samedi, qui plus est a été réduit à 10 avec l'expulsion de Van Derson peu avant le dernier quart d'heure de jeu. Voilà, donc en tout cas c'est pas pour le moment une grosse saison pour Monaco, qui n'avait pas été battu depuis 12 matchs en Ligue 1, on rappelle, hein. Ça faisait une grosse série en fin de saison, et là c'est fini la fin de série, et en plus l'élimination en Ligue des Champions, ça fait beaucoup pour Monaco dans ce début de saison. Marseille qui a eu du mal, mais s'impose 2-1 face à Marseille, qui peut remercier Palois, Nicolas Palois, qui a donc marqué contre son camp en fin de rencontre. On rappelle Marseille aussi qui a été réduit à 10, mais victoire de 1 pour les Marseillais. Deux matchs nuls, Strasbourg-Reims 1 partout et Toulouse-Lorient 2-2, c'était dimanche hier. Première victoire d'Auxerre pour son retour en Ligue 1 à Montpellier 2-1. Défaite de Nice encore à Clermont 1-0. La victoire brestoise à Angers 3-1. Première victoire pour Rennes, c'est face à Ajaccio 2-1. Malgré deux cartons rouges côté Rennais, ils ont finalement réussi à s'imposer 2-1. Et puis le spectacle hier, c'était du côté de Lille, 7-1 pour le Paris Saint-Germain, avec le but le plus rapide marqué par Kylian Mbappé, le plus rapide en Ligue 1 de l'histoire de la Ligue 1, 8 secondes seulement sur le coup d'envoi. Kylian Mbappé a un petit lob sur Léo Jardim, donc victoire 7-1 avec un triplé pour Kylian Mbappé, un doublé pour Neymar, puis un but pour Messi, puis des caviars aussi de Messi, de Neymar, Hakimi aussi qui a participé au spectacle, 7-1. Voilà, donc 17 buts en 3 matchs pour l'instant. C'est un sans faute pour Paris, tout va bien. Donc pour le moment en tête évidemment du championnat avec seul à 9 points. Lens, Marseille 7 points, Lyon 6 points aux côtés de Clermont. Auxerre, Monaco, Rennes 4 points seulement. Et puis en bas, 3 pour l'instant. Lanterne rouge, pas le moindre point au classement. La journée qui nous attend, la quatrième journée, eh bien le programme démarre vendredi avec Ajaccio-Lille, samedi Auxerre-Strasbourg et puis Lens-Rennes en fin de jeu, en soirée à 21h. Belle affiche Lens-Rennes. Dimanche, on aura Nantes-Toulouse d'abord. Belle affiche entre Nice et Marseille à 15h. Lorient-Clermont, Brest-Montpellier, 3-Angers, Reims-Lyon et puis Paris-Monaco, ce sera dimanche soir. Entre une équipe qui, où tout va bien pour Paris puis Monaco où tout va mal, on verra le résultat, mais pour l'instant... J'ai l'impression que je le connais déjà. En tout cas, ce sera 20h45 dimanche. Voilà le programme pour la Ligue 1 ce week-end. Un mot des directs, on s'est fini pour l'Italie et le National. Un partout entre Elche et Almeria, c'est en Espagne. Dans 5 minutes, donc Grenoble-Bordeaux. Vous pourrez suivre ça sur Beansport 1. Dans 5 minutes aussi, Gênes-Juventus-Turin sur Beansport 2. Un peu plus tard, à 22h, Rayron-Rétafé, donc Beansport 4. Et puis pour juste après d'ailleurs il y aura donc là Elche Almeria et puis non pas ce sera 22h pardon pas 21h donc Rayron Rétafé qui va s'enchaîner sur ce canal 4 de Beansport et puis, 20, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal hein. Et si à 21h Manchester United Liverpool, le canal plus sport, je vous recommande cette rencontre. Et le programme de la semaine aussi bien sûr, donc on le disait, football. Ben, bien sûr, ça continue pour la Ligue 1 et la Ligue 2. En national, donc, l'USO se déplacera vendredi du côté de Bastia-Borgo, gros déplacement. Et puis, en Europe, bien sûr, tous les championnats qui vont jouer ce week-end. Et puis, les barrages retour pour Nice en Europa Conférence pour essayer de se qualifier pour la suite et pour la phase de poule, surtout de l'Europa Conférence, qui recevra. Ce sera déjà pas mal. Après sa défaite à l'aller au Maccabi Tel Aviv qui va recevoir donc Tel Aviv ce jeudi. Ça c'est pour le foot. Tennis, bah, rien de spécial cette semaine si ce n'est la préparation finale pour les Open qui démarrera lundi prochain. En basket, on attend le début bien sûr de l'Euro pour les hommes, mais déjà avant ce début de l'Euro la semaine prochaine, deux matchs de qualification mondiale l'année prochaine. Ce sera donc d'abord mercredi pour les Bleus à Bercy d'ailleurs face à la République tchèque, puis il y aura une deuxième rencontre aussi cette semaine. Formule 1 fait son retour ce dimanche, Grand Prix de Belgique qui se prend à Francorchamps, pas de MotoGP ce week-end. Et puis c'est déjà pas mal, voilà, sur ce programme de la semaine. Voilà, pas mal de choses encore. Pas de hand pour l'instant, pas de reprise tout de suite. Mais voilà, du foot, un peu de tennis quand même, du basket avant le début de l'Euro, puis de la Formule 1, le retour dimanche. Voilà le programme qui vous attend cette semaine. Et puis dès ce soir, donc je vous le disais, pas mal de foot dans 2 minutes pour Bordeaux, Grenoble-Bordeaux. Il y aura surtout Manchester United Liverpool, hein, Canal Plus Sport. C'est dans un quart d'heure, mais maintenant. Voilà les rendez-vous donc de la soirée, donc pas mal de choses. On se quitte avec un dernier titre et puis on se retrouve la semaine prochaine. Il est déjà 20h43, ça va vite, ça va très très vite. Voilà, je le disais, toujours un petit peu plus loin quand les semaines avancent. Voilà, on sera sur une émission similaire la semaine prochaine et puis ensuite retour des émissions de 2h à partir du 5 septembre au l'horaire habituel 20h30, 22h30. On se quitte avec quoi? Dites-moi, c'est vous qui décidez encore. On a pas mal de propositions. Les Daft Punk, ça fait longtemps. Et Daft Punk avec Get Lucky, ça fait longtemps. C'est parti pour Daft Punk, Pharrell Williams notamment. Get Lucky, on se quitte avec ce dernier titre et on se donne rendez-vous lundi prochain. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en. Si vous avez repris aujourd'hui, bon courage, en tout cas. Profitez si vous êtes encore une petite semaine tranquille. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée déjà. Et puis donc lundi, 19h30 toujours, pour la dernière émission de l'été. Bonne soirée et bonne semaine. Ciao, bye bye. Like the legend of the Phoenix.